quand la vie parle en poésie. J'entends les grands ordinateurs, le monde est univers village. Le monde est univers village. Et la banlieue en est partout. Quand on est un poète, en fait, c'est comme si on était prophète. On pense direct dans l'ordinateur. L'ordinateur. L'homme est un être de néant qui tourne en rond tout le temps. Qui tourne en rond tout le temps. Comme la terre mère, comme la terre mère, comme la terre mère qui se balance dans les terres. Pourquoi faire?